Conversation à table. Est-ce que je peux mettre mon plat ici? Oui, mettez-le là. Ça va, je le mets là. Georges, veux-tu me passer le sel? Guy, il est près de toi. Veux-tu le lui passer? Vous avez une belle montre, Valérie. Elle n'est pas à moi. Elle est à ma mère. Elle est à elle, mais elle me la prête. La mienne ne marche pas. Vous avez de la chance. Toi aussi, tu as de la chance. Tes boucles d'oreilles ne sont pas à toi. Pardon, ce sont celles de ma mère, mais elle me les a données. Mais dis-moi, et tes boutons de manchette, ils sont à toi? Oui, ils sont à moi. Ce ne sont pas ceux de ton père? Non, ma chère, il me les a donnés. Et toi, mon garçon, ta voiture est à toi? Est-ce qu'elle n'est pas à tes parents? Si, elle est à eux, mais ils me la prêtent. Vous êtes quitte, alors?